se lever tout à soi pour regarder la tempête qui arrive alors que l'horizon rougeoie. Dernier rayon ultime éclat, sans artifice, sans faire la fête, juste pour dire que je suis encore là. Les bruits d'aide et de pattes sortent des puceaux en contrebas. Tous les animaux se dératent à la pose d'un combat qui s'apprête à se dérouler. Juste en bas de chez toi, tu te sers une tasse de thé pour profiter de la place des choix. Le soleil passe en trépas, le ciel est noir des nuages, la foudre est claire par-ci par-là. Le vent redouble de surcroît, se mélange en acide bouillie, la grêle, la pluie, le verglas. À droite, un peu plus loin, le sol s'élève étrangement, se dressant d'un énorme sein, se transformant. Profiter de cette douceur et du film à plus gros budget depuis